dans ton cœur tu as de mal. Ne me reste pas de place, serre-moi contre ton âme. Je relèverai tous les défis que tu me donneras et j'inventerai mille folies. Tu ne résisteras pas, non, non, non. Je sais que tu ne resteras pas de glace, je te dis non, non, non. Il est temps pour toi de voir les choses en face. Non, non, non. Je sais que tu ne resteras pas de glace. Non, non, non. Ouais. Il est temps pour toi de voir les choses en face. Entre les lignes de ta vie, insère-moi comme un paragraphe parmi les mots que tu dis. Je relèverai tous les défis que tu me donneras. J'inventerai mille folies. Tu ne résisteras pas, non, non. Je sais que tu ne resteras pas de glace, je te dis non, non, non. Il est temps pour toi de voir les choses en face. Je me bâtirai tout au fond de ton cœur et je regarderai.